Alors, pour continuer sur le sujet de la crise, de la soi-disant crise d'Oka, nous allons parler avec Isabelle Sataman. Alors, bonjour, Madame Sataman. Vous êtes avec nous? Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous avez publié il y a quelques mois La crise d'Oka en récit, territoire, cinéma et littérature. Oui. Comment on en arrive en tant que vous-même à écrire sur le sujet de la soi-disant crise d'Oka? Oui, c'est une bonne question. En fait, ça faisait partie de mes recherches de doctorat. Puis c'est un peu par hasard que je suis arrivée à ça. Avant, j'avais travaillé sur les manifestations altermondialistes, le sommet de Québec en 2001. Puis pour mes recherches doctorales, je voulais travailler sur la littérature, le cinéma, tout ça. Puis je voulais aussi travailler avec les peuples autochtones. Donc, je me suis dit que si ça faisait le sujet de ma thèse, ce serait un bon moyen. Puis j'ai pensé à un événement qui serait assez important pour être représenté dans la littérature puis dans le cinéma. Puis c'est un peu la crise d'Oka qui est venue. Donc, c'est comme ça que j'en suis venue au sujet. Mais je me suis rendu compte après peut-être 2 ans de recherche que j'avais dans mes souvenirs d'enfance une boîte de découpures de journaux avec 2 événements importants. C'était l'explosion de la navette Challenger puis la crise d'Oka. Donc, ça avait été intéressant de voir que ça m'avait vraiment marqué en étant jeune, puis que là, sans m'en rendre compte, j'étais revenue à ce sujet-là. Comment ça vous avait marqué? Ben, j'habitais dans ce temps-là à Shawinigan, j'étais jeune adolescente, puis ça avait marqué comme quelque chose de mystérieux, de fascinant, mais d'incompris. Je sentais que, tu sais, à l'école, puis dans la société en général, il y avait beaucoup de choses qui disaient contre les Autochtones, mais en même temps, on sentait qu'on n'avait jamais le fond de l'histoire. Puis, dans l'état des choses, à ce moment-là, en 90, il n'y avait comme pas de source d'information accessible à des adolescents pour comprendre vraiment ce qui est en train de se passer à Kanawake et à Kanawake. Alors, pour approfondir cette compréhension, vous avez fait tout un livre qui, oui. Je dois vous le dire, c'est absolument fondamental et intéressant. Oh, j'ai beaucoup aimé lire ce livre-là merci. Et j'ai pas fini de le lire parce qu'il est tellement riche qu'on peut pas se souvenir de tout ce que vous dites dans le livre parce que ça parle du foisonnement littéraire, cinématographique, etc., de tout ce qui s'est dit, écrit, filmé autour de la soi-disant crise d'Oka. Ouais. On peut peut-être commencer en allant de manière un peu chronologique par rapport au livre, par parler okay. des récits filmiques ou des récits vidéo. Oui. Donc, une chose que j'ai voulu étudier, c'était... J'ai regardé, évidemment, le conflit lui-même, le siège, l'espèce de conflit armé, mais ce qui est intéressant pendant ce siège-là, c'est que dans les années 90, il n'y avait pas encore les cellulaires puis toute la technologie pour filmer en simultané. Donc, le rôle des caméras, des journalistes, des cinéastes était vraiment important. Donc, les caméras faisaient partie un peu du conflit. Ça servait de surveillance. Donc, on filmait ce que l'armée faisait, ce que la police faisait pour avoir des éléments de preuve puis pour les dissuader, au fond, de commettre des violences. Puis, ce qui est intéressant après, c'est qu'il y a des films documentaires qui ont été faits à partir de matériel qui a été tourné pendant le siège armé. Donc, j'ai voulu analyser 2 films documentaires. Un qui a été fait par un journaliste canadien, Albert Nirenberg, qui est allé, lui, les 7 derniers jours du siège à Kanawake pour filmer de l'intérieur, alors que tous les autres journalistes puis reporters avaient été évacués. Donc, lui, il voulait absolument pas que ça se conclue dans l'ombre. Donc, lui, filmait pour faire un matériel médiatique, mais ensuite, il recueillit beaucoup de témoignages puis il fait un documentaire où il donne la parole aux gens derrière les barricades. Donc, j'ai analysé ce film-là. Puis, l'autre film que j'ai analysé, c'est celui qui est beaucoup plus connu de Alanis Abomsawin, qui s'appelle Kanawake, 270 ans de résistance. Puis là, c'est intéressant ce film-là parce que ça va mettre plus l'accent. Alanis est restée pendant 70 jours du siège, elle est restée sur les lieux du conflit, puis elle a filmé, puis elle a passé du temps, puis elle a fait aussi beaucoup d'entrevues avec les gens qui étaient là. Ensuite, elle a raconté ça dans un documentaire qui dure au-delà de 2 heures. Qui est un des 4 films qu'elle a fait sur le conflit. Donc, j'ai essayé de voir un peu les différentes façons dont Albert Nirenberg, en tant que journaliste canadien, puis Alanis Abomsawin, en tant que cinéaste abénakise, qui a beaucoup filmé les luttes autochtones, la façon dont chacun de ces ces cinéastes-là a raconté cet événement-là dans son film. Puis c'est un peu de voir quelle sorte de récit ressort du documentaire d'Alanis Obomsawin. Puis aussi la question de savoir quand on étudie ces récits-là, comment on va les lire à notre tour. Donc comment on va lire l'histoire qui est racontée par Alanis dans son film. Pour faire une étude comparative, vous parlez beaucoup en détail des visions différentes qu'on trouve dans Au Canada, Behind the Lines, mm-hmm. et aussi dans 270 ans de résistance. Est-ce que mm-hmm. vous pouvez aller un peu plus en détail sur la différence de ces deux films-là? Oui. La différence de le film de Au Canada, Behind the Lines, c'est beaucoup plus court. Comme je disais, ça a été filmé au début à des fins de reportage médiatique. Puis la façon dont le film se déroule, au fond, ce qui ressort, c'est pas le sensationnalisme médiatique, c'est vraiment une sorte de récit de ce qui se passe derrière les barricades. Donc c'est des témoignages qui vont rendre compte de l'expérience singulière des dernières personnes qui sont derrière les barricades, puis qui à ce moment-là sont vraiment conscientes de risquer leur vie. Donc il y a toute une question où en faisant entendre la parole de ces gens-là, c'est comme ça que ce film-là va donner accès à l'histoire de l'événement. Donc, les gens qui vont témoigner, ils vont accepter de parler à ce journaliste-là parce que ils savent pas s'ils vont sortir du conflit vivant, ils veulent laisser une trace, ils veulent raconter pourquoi ils se trouvent là. Donc, on va accéder beaucoup par la parole des témoins à l'histoire de Kanasatake, mais l'histoire des peuples autochtones ou de la Confédération iroquoise ou Haudenosaunee. Donc, c'est beaucoup ça qui ressort. Donc, ce que ça montre, au fond, c'est l'expérience, non pas de toute la communauté de Kanasatake, vraiment l'expérience des dernières personnes qui restent. Puis, je pense que ce qui est intéressant de ce film-là, c'est que plusieurs de ces personnes-là sont les mêmes personnes qui, dans les médias de masse, sont qualifiées de « warriors », de criminels, puis tu sais, qui sont sont décrites très négativement. Alors que quand on les écoute parler dans le documentaire, on perçoit vraiment les raisons politiques, historiques qui sont derrière leur action. Puis on voit aussi vraiment la motivation singulière, mais aussi communautaire, donc des gens qui veulent protéger leur territoire puis qui veulent assurer la survie de leur peuple. Donc, c'est un peu ça qui sort de ce film-là. Celui d'Alanis Obomsawin, je trouve qu'il était différent parce que sa posture par rapport à la communauté de Kanasatake et Kanawake est différente. Donc, Albert Nirenberg, lui, se situe clairement comme quelqu'un qui est extérieur aux manifestants qui sont sur place. Tandis qu'Alanis Obomsawin, elle a une longue histoire de travail comme cinéaste aux côtés des peuples autochtones. Donc, elle se situe plus aux côtés des gens qui sont en train de protéger leur territoire. Puis son film se veut vraiment un document historique. Donc, il avait demandé à un certain point de raccourcir son film puis d'enlever la dimension de l'historique là-dedans. Puis elle a dit que l'historique, c'était vraiment important parce que c'est ce qui a été enlevé aux Autochtones. Donc, son film contient une reconstitution historique qui va tout remettre en contexte. L'histoire à Kanasatake avant l'arrivée des colons européens, puis l'histoire de la colonisation, puis l'histoire de résistance qui se poursuit depuis 270 ans. Puis ce qui est intéressant aussi dans son film, c'est que elle va mettre ça en lien avec les luttes autochtones d'ailleurs dans les Amériques en filmant des manifestants, par exemple, qui sont venus du Mexique pour soutenir les Mohawks, en filmant des gens qui vont se rappeler Wounded Knee. Donc, elle amène beaucoup de choses dans son film comme ça qu'on peut voir. Puis, j'ai utilisé un petit peu l'idée de Michel Raeta puis de Jolene Ricard qui parle de souveraineté visuelle. Donc, c'est l'idée du film qui affirme une souveraineté par la façon de raconter puis par les éléments qu'il choisit de mettre de l'avant. Mais aussi, une façon aussi de lire le film qui va permettre de renforcer ces éléments-là plutôt que de les effacer sous un autre sort de cadre théorique. Après avoir été à fond dans l'analyse de ces documentaires-là, vous parlez plutôt des textes littéraires qui sont venus des Autochtones comme des Autochtones. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces textes? Oui. Bien, encore une fois, j'ai fait comme encore une analyse comparative parce que tout au long de ce livre-là, ce que je voulais faire, c'était regarder la perspective des non-autochtones puis la perspective des autochtones, parce que c'est vraiment un conflit qui a marqué une rupture très forte entre les peuples autochtones puis les colonies de peuplement. Puis il y a eu une forte polarisation aussi qui a fait que les camps se sont scindés de façon très claire. Donc, en regardant d'un côté les récits autochtones puis d'un côté les récits non autochtones, ça a permis de faire ressortir ça. Donc, qu'on voit beaucoup dans la littérature, disons, québécoise et canadienne, ça va être, si on pense aux auteurs qui ont parlé de ça, il y a John Farrell, il y a aussi il y a Robert Lalonde qui a des origines mohawks, mais qui considère beaucoup québécois. Il y a Yves Boisvert qui a écrit un recueil de poésie entier sur la crise d'Oka. Donc, ce qu'on voit beaucoup dans les récits non autochtones, c'est quelque chose d'un événement vraiment fascinant ou indéterminé ou déstabilisant. Puis en même temps, on voit l'espèce de figure du warrior mohawk qui se dresse contre une société corrompue, qui se dresse pour défendre ses droits. Donc, c'est une sorte de figure héroïque, mais en même temps, c'est une figure héroïque qui va souvent apparaître dans des contextes liés à la criminalité ou à des histoires de détectives ou à des histoires de pirates. Donc, c'est toujours associé dans un imaginaire blanc, au fond, qui considère les Autochtones comme des êtres marginaux et hors la loi. Sauf que là, c'est une figure qui est devenue héroïque puis qui apparaît vraiment dans l'espace contemporain puis au centre de l'espace public. Donc, ça, c'est ce qui ressort beaucoup des récits non-autochtones. Puis, si on passe du côté des récits autochtones, là, il y a encore beaucoup de constantes, mais c'est complètement différent. Alors là, ce qui ressort, c'est que le siège à Kanasataki, ça s'inscrit clairement dans une histoire de colonialisme puis une histoire de résistance au colonialisme. Puis, là, ce qu'on voit, c'est pas la figure du warrior solitaire, c'est la figure de gens qui vont défendre leur communauté afin d'assurer la survie de leur peuple. Donc, quand on voit la figure de l'armée canadienne, les tanks, tout ça, le terrain de golf qui se menace de détruire un cimetière, tous des motifs symboliques qui sont repris puis qui montrent l'espèce d'agression coloniale continue contre les peuples autochtones puis la résistance qui est opposée à ça. Puis il y a une autre chose aussi qui ressort souvent, c'est dans les histoires, il va y avoir des personnages qui vont être un peu égarés, qui vont ressentir un peu de honte, puis qui arrivent au conflit, puis qui sentent un sentiment de fierté très fort, puis qui vont aller s'engager en soutien aux Mohawks de Kanasataki, puis ils vont prendre la parole dans l'espace public. Il y a une sorte d'extériorisation de la violence coloniale, au fond, en sous forme de résistance. Vous insistez aussi beaucoup sur la différence entre la souveraineté territoriale autochtone, Mohawk dans ce cas-là particulièrement, et l'ancrage des États au niveau territorial et les conflits. Est-ce que vous pouvez aller plus en détail sur cette question-là? Parce que ça a été une question assez cruciale et ça en reste encore une aujourd'hui. Oui, c'est vraiment une question qui a été rendue très, très manifeste et très visible pendant cette crise-là ou ce conflit-là, cette occupation-là. Puis ça a été rendu vraiment très visible par la présence de l'armée canadienne, au fond, qui est sous l'autorité de l'État canadien, qui représente l'État, puis que dans son action est redevable à l'État, qui doit assurer que les lois étatiques soient respectées. Donc, ça montrait très clairement l'intervention de l'armée canadienne, puis la façon dont l'armée canadienne concevait son intervention. Ça reflétait beaucoup les discours étatiques, les politiques étatiques du Canada par rapport aux peuples autochtones. Donc, du point de vue de l'État, les manifestants autochtones qui défendaient leurs terres étaient considérés, donc s'il y avait une barrière à travers une route, étaient considérés du point de vue de l'armée comme des citoyens qui enfreignaient la... Donc, c'était de rétablir la communication, rétablir la circulation, puis d'empêcher les emprunts de la loi. Donc, c'est un peu comme ça qu'on savait que les manifestants étaient classés un peu comme hors la loi, de façon très claire, en fait. Alors que du côté des manifestants, ce qui ressortait beaucoup dans les discours des manifestants, dans les affirmations, dans les actions, c'était que ils sont leur propre nation, puis ils sont pas citoyens canadiens, puis ils sont en droit de défendre leur nation. Donc, eux, dans leur action, dans leur discours, revendiquaient la légitimité politique de la Confédération Haudenosaunee ou de la Confédération Iroquoise. Donc, ces deux souverainetés-là, la souveraineté étatique et la souveraineté autochtone, ont été articulées de façon très explicite puis de très visible sur les lieux du siège. Puis je pense que l'espèce de photo de face à face entre le soldat canadien puis le guerrier Mohawk, ça vient chercher beaucoup de ces éléments-là qui sont fondateurs puis qui viennent chercher le fondement même du conflit colonial qui est cette crise-là. Bon, on a vu beaucoup cette image, mais comment vous l'interprétez? Ben, je trouve ça encore dans l'idée de voir comment chaque personne peut interpréter quelque chose selon sa perspective ou son contexte. On peut voir, disons, deux interprétations, mais c'est sûr que pour tout le monde, c'est l'interprétation d'un conflit de société, puis d'un face-à-face, puis d'une polarisation, puis de quelque chose qui est dans une impasse. Puis c'est certain que pour les non-autochtones, ce qu'ils ont vu beaucoup, c'était le soldat représenter la loi et l'ordre, puis le warrior masqué représentait le hors-la-loi, qui s'inscrit dans les mêmes sortes de représentations qu'on peut retrouver dans les films western avec les cowboys et les indiens, puis qu'on peut retrouver, je sais pas, peut-être dans les guerres coloniales, les mêmes genres de représentations où les Autochtones étaient vus comme hors-la-loi, tout ça. Mais si on regarde d'un point de vue autochtone, il y a plusieurs personnes que j'ai entendu dire que, bon, pour eux, cette photo-là, ça veut dire c'est signe de la résistance, puis c'est un guerrier qui est là, puis qui fait face à une armée qui essaye de justifier l'empiètement sur son territoire. Donc, on peut le voir aussi comme l'idée du résistant qui s'oppose à une force étatique d'occupation. On est toujours avec Isabelle Saint-Amand, auteure du livre « La crise d'Oka, en récit, territoire, cinéma et littérature » sur l'émission En profondeur. Isabelle Saint-Amand, pour conclure, quelles sont vos conclusions après avoir fait ce travail immense d'analyse, de recherche, etc., etc.? Ça, c'est une autre bonne question. Les conclusions, c'est difficile d'avoir une conclusion claire parce que ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de mieux comprendre la dynamique qui est cet événement-là. Je pense que ce qui m'a frappé beaucoup, puis ce que j'ai retenu de ça, c'est que, à quelque part, c'est la conclusion, je pense, c'est que le conflit qui se jouait en 90 aux barricades, c'est un conflit qui se rejoue à plusieurs niveaux. Ça va se rejouer dans la littérature en général, l'expression littéraire, qui étudie quelle littérature, qu'est-ce qui est légitimé, ça se rejoue dans les films, comment on raconte l'histoire dans un film, quel récit historique va primer. Ça se rejoue aussi, je m'excuse, dans nos recherches même. Alors, quand on fait une recherche sur Oka, par exemple, puis on pose la question du territoire, si on va chercher les sources gouvernementales, c'est certain qu'on n'aura pas les mêmes conclusions que si on va chercher les sources du côté autochtone. Donc, au fond, la conclusion, ce serait que c'est vraiment important de voir comment tout ce conflit colonial-là, puis l'espèce de projet colonial d'appropriation des terres, d'effacement des peuples autochtones a pu se construire, puis comment on peut essayer de repenser un peu la façon dont on essaie de comprendre les événements politiques, puis comment ces événements-là vont passer à l'histoire. Puis peut-être si... Je sais pas, mais ouais, peut-être que ça en fait vraiment d'être peut-être la conclusion, c'est d'être vraiment conscient de la provenance puis des rapports de force qui sont toujours en jeu dans les récits comme ça, puis être conscient un peu du projet colonial que cette crise-là a révélé. Et personnellement, vous avez continué à étudier, à faire de la recherche sur les récits entourant les luttes autochtones. Vous faites une école d'été en ce moment? Oui, c'est ça, ça tombe bien. Justement, on a une école d'été que je fais ici à l'Université de Montréal, au Centre d'études et de recherche internationale, le CERIUM. Je fais ça avec une collègue, Sarah Enzi, puis ça dure une semaine. C'est une école d'été qui s'appelle Récits autochtones de la résistance. Donc, on a plusieurs invités, des chercheurs, des artistes, des militants. Aujourd'hui, on avait Hélène Gabriel de Kanasataki qui est venue parler un petit peu de 90 puis des questions actuelles. Puis demain, on va avoir deux chercheurs de Ganawake, Audra Simpson, qui est une anthropologue, puis Dayake Alfred, qui est un politologue. Puis plus tard dans la semaine, on va avoir des chercheurs qui sont plus en littérature, des écrivains, des dramaturges, des poètes, puis des cinéastes qui vont nous parler de différentes expressions de la résistance. Donc, on va voir des récits de la résistance donc qui sont liés à 1990, mais des récits de la résistance qui vont être liés à d'autres conflits comme à Wounded Knee ou en Amérique latine, mais vraiment du point de vue de récit de l'expression. C'est comment c'est raconté, comment c'est redit, réimaginé. Donc, c'est un peu ça qu'on va étudier maintenant avec les étudiants cette semaine. Je rappelle le titre de votre livre, c'est « La crise d'Oka en récit, territoire, cinéma et littérature ». Après ce livre ou pendant ce livre ou peu importe, est-ce que vous avez écrit aussi d'autres textes qui sont disponibles sur les récits autochtones, allochtones, sur les luttes autochtones? Sur la crise d'Oka, j'ai surtout publié dans ce livre-là. J'ai publié aussi dans la revue Liberté un article plus court au sujet de Oka. Puis les autres choses, c'est surtout sur la littérature puis les théories de littérature. Donc, dans une revue études en littérature canadienne, c'est un peu l'idée de la littérature autochtone puis l'étude de la littérature autochtone dans le contexte québécois. Puis, il y a quelque chose qui va paraître bientôt dans une revue française qui s'appelle Itinéraire. Puis là, c'est plus la lecture d'un film d'un cinéaste Anishinaabe qui s'appelle Chris Happy Jack McKenzie qui va reprendre la légende du Wendigo pour réfléchir à la situation des jeunes de sa communauté, la situation contemporaine au fond des jeunes de sa communauté. Quel est le titre de ce livre, de ce film? Ça s'appelle Wendigo. OK. Comme le film de Robert Morin, dans le fond. Mobile. Ouais, c'est ça, oui, exactement. Est-ce qu'il y a des liens à faire entre les deux films? Probablement, je ne les ai pas fait encore, mais ça okay. pourrait être intéressant de comparer. Faire une analyse, oui. Ouais, celui de Chris Happy Jack McKenzie, ça se trouve en ligne, ça dure une dizaine de minutes sur le site du Wapikoni Mobile. OK. Bien, ouais. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Et je rappelle encore une dernière fois pour le livre, c'est « La crise d'Oka en récit, territoire, cinéma et littérature ». C'est publié « Collection Interculture des presses de l'Université Laval ». Alors, merci beaucoup, Mme Saint-Amand. Merci à vous pour l'entrevue. Et bonne semaine d'école d'été. Oui, merci. Au revoir. Au revoir.